47e chapitre. Une fête dans l'Andéroun de son Altesse la princesse Izmad et Daoulé. On est très matinal en Perse. Les plus grands personnages, les ministres eux-mêmes, reçoivent dès l'aube les gens avec lesquels ils ont les affaires les plus importantes à traiter. Les visites commencent aussi une heure après le lever du soleil. Dans ces contrées, le printemps est de courte durée et le changement des saisons subit. Souvent, au mois de mars, l'été s'installe en maître. La chaleur au milieu du jour est si intense que l'on profite des fraîches matinées pour sortir. Mon séjour à Téhéran m'ayant familiarisé avec les habitudes du pays, je ne fus guère surprise la veille du jour fixé par la fille du chat pour ma visite chez elle de recevoir le billet suivant. « Madame, Son Altesse la princesse Izmad et Daoulé m'envoie le chef de ses eunuques me prévenir que son carrosse sera à votre porte demain matin, une heure après le lever du soleil, c'est-à-dire à 7 heures. Son Altesse vous prie de ne pas manquer de venir, car elle a invité un grand nombre de ses amis pour se rencontrer avec vous. J'espère donc, chère madame, que vous voudrez bien faire un petit effort afin d'être prête à l'heure indiquée. Je vous présente mes respectueux hommages. » Les messages venant des dames persanes sont toujours transmis par des eunuques. Son Altesse Izmad et Daoulé, sachant que je ne connaissais pas la langue persane, avait envoyé un de ses serviteurs chez un interprète qui m'écrivit ce billet. Prête à l'heure indiquée, je fus avertie par l'eunuque sous la garde duquel je devais me rendre chez la fille du chat que sa voiture m'attendait. Cet équipage de fabrication européenne d'ancienne date, avec un marchepied qui ressemblait à un escalier, était attelé de 4 chevaux de race. Le peu d'élasticité des ressorts de ce véhicule suranné me faisait redouter le chemin que j'avais à parcourir du faubourg européen à l'autre extrémité de la ville où est situé le palais de la fille du chat Incha. Arrivé à la porte et après avoir franchi l'entrée voûtée de cette demeure seigneuriale où se tiennent les caraoules, je me vis dans une cour plantée d'arbres. De là, je passai dans un jardin arrosé par une infinité de petits ruisseaux servant à alimenter les bassins et les jets d'eau. Au milieu s'élève le château, entouré de pavillons et de kiosques, dont le style est un mélange de chinois et de persan. Ce matin-là, le temps était superbe, tout rayonnait. La verdure printanière est belle dans tous les pays, mais en Perse, où la chaleur flétrit si vite, sa fraîcheur, son éclosion est si surabondante que la nature semble vouloir la dédommager du peu de temps laissé à la plénitude de sa beauté. Je regardais autour de moi et me vis seule avec le vieil eunuque, inspectant du regard les habitations qui me semblaient désertes. Un souvenir d'enfance me fit songer à ces châteaux enchantés dont les habitants ont été endormis par un pouvoir magique. Guidé par l'eunuque, de race noire et très laid, je mis quelque temps à traverser ce spacieux jardin, cherchant autour de moi d'autres êtres vivants. Mon conducteur, paraissant deviner ma curiosité, dans mes regards inquisiteurs, me fit quelques signes. Je me dis que la perspicacité du gardien des femmes persanes lui venait sans doute de ses rapports journaliers avec elle et de l'habitude de surveiller la conduite de celle dont il est responsable vis-à-vis de son aga. Avançant dans les avenues entrecoupées de parterres de fleurs, sans voir personne, je compris que je me trouvais dans le jardin du Biroun et que le maître du logis, fidèle à la coutume du pays, s'abstenait de paraître afin de ne pas rencontrer les femmes allant à la réunion de l'Andéroun. J'en étais là de mes conjectures lorsque l'eunuque me montra un passage masqué par des feuillages entrelacés. Soulevant quelques branches, il me fit signe de passer. Je franchis cette entrée et demeurai en extase devant le spectacle enchanteur qui s'offrait à mes yeux. Chacun de nous a assisté à ces ballets et féeries représentés sur nos théâtres où l'on voit des groupes de nymphes et de bayadères vêtus de costumes magnifiques. Ces scènes, artistement composées, ont pour cadre des décors que font ressortir les effets de lumière à l'aide desquels les décorateurs s'efforcent de rendre le coloris lumineux de l'Orient. Embellies par le feu de la rampe, ces scènes excitent à un haut point notre admiration. Ce fut un de ces tableaux d'un charme indicible, ensoleillé par les tons chauds et dorés d'un ciel asiatique qui frappa mes regards éblouis lorsque je pénétrai du jardin du Biroun à celui de Landeroun, où la princesse royale se tenait entourée de plusieurs centaines de femmes. Au sortir d'une solitude complète, je me vis tout à coup dans un milieu brillant et plein de vie. Je ne soupçonnais pas qu'un simple rideau de verdure me séparait d'un monde féminin si nombreux et si charmant. Cette vue me rappelait Calypso, entourée de ses nymphes. Comme celle-ci, les femmes réunies autour de la princesse formaient des groupes ravissants. Entre des massifs de roses, de jasmin et d'autres fleurs, elles étaient accroupies sur des tapis aux teintes délicates, faiblement accusées et se fondant avec harmonie. Mais si ces nuances étaient vagues, indécises, leurs vêtements tranchaient puissamment, car le rouge écarlate, le jaune, l'orange étaient les couleurs dominantes. Ces tissus, ces gazes soyeuses, lamées, brochées d'or, d'argent, constellées de joyaux, formaient un mélange réellement éblouissant. Le costume des personnes chez elles, on le sait, est tout à fait théâtral. Les bras, le haut du corps sont légèrement voilés par une chemisette en gaze, agrémentée de broderies et de pierres précieuses. Une quantité de bijoux complète cette toilette toute transparente. Les pieds et les jambes, jusqu'au-dessus des genoux, sont complètement nus. Le bruit du feuillage avertit Son Altesse de ma présence. La princesse vint à ma rencontre et, en m'offrant la main, me conduisit au bord du talar où elle s'était accroupie, me désignant une chaise placée là pour moi. Mais je pris une pause semblable à la sienne, ne voulant pas me faire remarquer des autres femmes. Son Altesse me fit signe alors de me mettre à ses côtés et m'attira sur le mousmoud, tapis d'honneur, recouvert d'un cachemire magnifique, puis me présenta le kalian qu'elle était en train de fumer. N'en faisant jamais usage, je dus refuser cette première marque de gracieuseté et fis signe à la princesse de reprendre sa pipe tout en lui exprimant mon admiration pour cet objet qui était d'une véritable valeur artistique. Note. Plus d'une fois, j'ai été surprise de ce que les Occidentaux qualifient les Orientaux de barbares. C'est là une appréciation des plus erronées. Leur civilisation, il est vrai, est plus arriérée et différente de la nôtre. Mais au point de vue du goût et de l'art, c'est souvent dans le travail des Asiatiques que nous avons puisé nos plus jolis modèles. Fin de note. S'il n'est pas facile de déterminer l'âge exact d'une Européenne qui a puisé à la fontaine de Jouvence le secret de se rajeunir, il est bien plus difficile encore de connaître celui d'une personne. Si son costume dévoile les formes et la grâce de son corps, il met aussi à découvert toutes les imperfections. Par suite de la coutume de se maquiller outre mesure, une jeune et jolie femme s'enlaidit et se vieillit par l'expression dure qu'elle donne à sa physionomie. Son Altesse Ismad Ed-Daoulé, quoique jeune encore, serait mise en Europe dans les rangs de la réserve. De taille peu élevée, ayant de l'embonpoint, elle représente pour les Persans le type de la beauté féminine. Ses traits sont fortement accentués. Elle a les yeux noirs et vifs des Qadjars. Sa figure est plutôt large qu'ovale. sa bouche par trop grande est garnie de dents d'une blancheur d'ivoire qu'elle fait voir en souriant. Le duvet très marqué qui estompe la lèvre supérieure donne un caractère viril à sa physionomie. Ses bras et son sein, plutôt que son visage couvert de fard, montrent la couleur basanée de sa peau. Son Altesse a l'allure de son père, remarquable par sa démarche saccadée et le balancement régulier du corps que le costume des persanes fait ressortir. L'affabilité, les manières gracieuses de la fille du chat la rendent particulièrement sympathique. Sa mise était très recherchée. Je remarquais surtout l'extrême écourté de son ample jupon, caché d'une toilette élégante, en gaze rouge et lamée d'or. La chemisette qui couvrait son sein était en tulle orange brodée de perles fines. Une profusion de bracelets, de colliers, de bagues, de bijoux de tout genre, brillant sous les rayons du soleil, rendait la princesse resplendissante. Quelque chose, cependant, faisait tache à ce riche costume. C'était le mouchoir de gros calicot blanc posé sur la tête, attaché sous le menton et sur le front par de précieux joyaux. Ismad Ed Daoulé me présenta avec un plaisir mêlé d'émotion ses deux enfants, fillettes de 4 à 5 ans. La singularité de leur mise me frappa vivement. Elles portaient de longues robes montantes à l'européenne, tandis que leur mère était vêtue comme on habille les enfants en Europe, c'est-à-dire avec des jupes très courtes. Une des petites filles de Nasser Eddin lui ressemble beaucoup. Toutes deux ont déjà, comme leur mère, un duvet fortement prononcé au-dessus de la lèvre. Après que la princesse m'eut présenté ses enfants, voulant me faire connaître aussi son mari, elle prit une de ses photographies dans une cassette placée près d'elle. Note : à l'endroit où la maîtresse de maison a établi sa place, se trouve étalée autour d'elle une infinité d'objets : un miroir, des bijoux, des broderies, des instruments de musique, etc. etc. Fin de note. Son Altesse, la chasteté de l'Empire, est l'unique épouse du gendre du chat, car on le sait, il n'est pas permis au mari d'une princesse royale de donner une rivale à sa femme. La chronique du bazar, où tout se dit, se sait et se commente, prétend que ce couple est un des plus heureux, des plus unis de Téhéran et jouit de la sympathie générale. La princesse avait réuni un grand nombre de ses parentes. Il s'est trouvé aussi plusieurs femmes du chat. Celle qui faisait partie de la maison de son Altesse s'est levée à un chiffre très considérable. Toute personne allant en visite n'emmène pas seulement avec elle ses suivantes et ses domestiques, mais aussi celles de ses amis. Ainsi se forme une suite nombreuse qu'on se prête réciproquement. Plus l'escorte est considérable, plus elle met en relief la personne qui en est accompagnée et fait honneur à celle que l'on va voir. Ce jour-là, chacune des invitées de la princesse semblait rivaliser à cet effet. Pendant mon voyage en Orient, je ne vis jamais réunion de femmes aussi nombreuses. Je n'aperçus aucun eunuque. Il faisait le service extérieur, c'est-à-dire qu'ils apportaient dans une partie du jardin les boissons et les mets que les femmes allaient chercher pour les servir. Cette fête n'était pas un banquet de l'esprit, loin de là, mais l'ensemble charmait les yeux. À mon arrivée, la société se trouvait au grand complet. Les galions circulaient. Le café fut servi dans le tallard, donnant sur le jardin, orné de grandes glaces et d'une foule de divers objets européens. Sur le sol étaient posés d'énormes plateaux avec des bonbons, des confitures et une infinité de petits plats contenant plusieurs espèces de graines salées et rôties que l'on mange après avoir fumé. Les femmes causaient, mais sans animation ni éclat de voix, l'une laissant à l'autre le temps de parler. Puis survint un cortège de basigères, bayadères, danseuse publique accompagnée de musiciens, d'eunuques et de jeunes garçons habillés en femmes. Tous, défilant devant son Altesse, se placèrent contre le mur, faisant face à l'endroit où elle se tenait. Aussitôt, le concert vocal et instrumental commença, et les exercices chorégraphiques continuèrent durant plusieurs heures. Les personnes prisent fort leur chant et leur danse. Quant à moi, je n'y trouvais aucun charme. Je cherchais vainement de l'harmonie dans les sons aigus des instruments, de la grâce dans les poses excentriques et les culbutes des danseurs. Le silence le plus profond régna pendant ce divertissement. Les dames du rang le plus élevé étaient accroupies dans le talar. Celles d'une condition inférieure se tenaient debout sur la galerie et dans le jardin. Comme intermède, les Kalyanji faisaient leur office ainsi que celles chargées d'offrir le café et le thé. Note, chaque femme a ses fonctions dans l'Andéroun, comme les hommes dans le Biroun. Fin de note. Les artistes étaient servis comme les invités. Les femmes du chat et les danseuses se passaient de l'une à l'autre le kalyan. Les danses et le concert terminés, la princesse se leva et chacun suivit son exemple. Aussitôt, des femmes entrèrent avec des aiguières, des bassins en argent et des essuie-mains qu'elles présentèrent à chaque convive. Tout le monde se lava le bout des doigts de la main droite. La fille du chat, passant son bras autour de ma taille, me fit traverser plusieurs appartements et s'arrêta dans une vaste salle où un repas était servi à terre. Note, le jeûne du Nowruz étant terminé, notre repas eut lieu vers midi. Le jeûne des Orientaux consiste à ne prendre nourriture qu'une fois par jour après le coucher du soleil. Fin de note. Les invités de son Altesse les suivirent, celles de haut rang seulement s'accroupirent pour prendre part au déjeuner. J'en comptais 162. Les autres restèrent debout. Une chaise et une petite table, garnies d'un couvert, furent placées pour moi, près de la princesse. J'en profitai avec plaisir, car il me manquait l'habileté voulue pour me servir des doigts en guise de cuillère et de fourchette. Au milieu de la salle, sur une nappe coloriée, étaient étalées dans de belles assiettes une infinité de mets, principalement des ragoûts de mouton, assaisonnés de différentes manières, des poulets à toutes les sauces et une variété de plats sucrés. De magnifiques pyramides de riz contenues dans de magnifiques coupes en porcelaine de Chine représentaient la pièce de résistance. C'était un spectacle nouveau pour moi que de voir un si grand nombre d'élégantes manger sans le secours de la fourchette, plonger les mains dans les plats et les sortir graisseuses avec un morceau de viande ou de poulet, d'où la sauce dégoûtée. Je fus étonnée de la dextérité des personnes à se servir des doigts. En voyant la princesse et ses amis manipuler adroitement le riz, puis en faire une quenelle et l'avaler tout entière, je me souvins du premier repas à la personne que j'avais vue. C'était le souper des muletiers avec lesquels j'avais fait route en allant à Téhéran. Leur façon de manger ne différait en rien de celle de ces grandes dames. Pour me faire honneur, son Altesse me présentait souvent tantôt un morceau dont elle avait mangé la moitié, tantôt une boulette de riz roulée par elle. D'autres femmes, auxquelles leur naissance permettait d'imiter l'exemple de son Altesse, me firent la même politesse. En vérité, j'aurais mille fois préféré ne pas recevoir ces témoignages de déférence. Le pain d'une pâte fine, molle, remplit l'office de cuillère pour tremper dans la sauce et en même temps de serviette. La boisson est du sherbet composé de différents jus de fruits, citron, orange, etc., mélangés avec du sucre. Pour prendre ce liquide, on se sert de cuillères en bois, de forme allongée, dans lesquelles chacun boit à tour de rôle, en les remettant ensuite dans le bol. Le manche de ces cuillères, finement découpées, ressemble à de la fine dentelle. C'est un travail fort artistique. Le repas terminé, des suivantes présentèrent une seconde fois aiguière, bassin, savon, essuie-main, et les convives lavèrent de nouveau leurs mains droites, qui en avaient grand besoin. Lorsqu'elles se furent levées, d'autres prirent place, puis vint le tour des personnes de leur suite, et finalement celui des femmes de service. Pendant ce temps, ma noble hôtesse et ses amis étaient retournés au tallard où les pipes et les rafraîchissements furent encore servis. Son Altesse me demanda si je voulais visiter sa demeure, et sur ma réponse, me fit accompagner par un essaim de femmes. L'inspection de ce domaine me prit un temps infini. On me conduisit de tour en tour, de pavillon en pavillon, de kiosque en kiosque. Dans chacun des appartements, je vis entasser une infinité d'objets de produits de l'industrie européenne, ainsi que des œuvres d'art à côté des bibelots de pacotille. Des horloges, des pianos, des lustres placés dans un coin, de vieux tableaux contre les murs, réunissant dans un musée d'Arlequin les portraits des souverains de tout pays, à côté de ceux de grands criminels, de poètes et d'artistes célèbres. Plus loin, de superbes tapis persans, des portières, des tissus magnifiques et des tentures de prix. Ce mélange me rappelait les salles de vente avant l'arrangement des objets exposés au public. Lorsque, après avoir parcouru ce dédale, je fus reconduite auprès de la fille du chat, elle me prit par la main et m'entraîna au jardin où tout son monde était réuni. Des tapis étaient jetés sur une vaste pelouse devant laquelle se déployait un splendide rideau de verdure où des acacias et d'autres arbres étendaient leurs jeunes et fraîches branches fleuries. À l'arrière-plan, on voyait dominer les pics dentelés du Démavande. Près de cette pelouse, et assise autour d'un vaste bassin avec jet d'eau, encadré de briques bleues turquoises, plusieurs des invités se baignaient les pieds, leurs jupes courtes leur permettant, sans aucune gêne, de prendre ce bain improvisé. Cette scène, le nombre de femmes, leurs costumes, le lieu où elles étaient rassemblées, tout contribuait à représenter de nouveau à mes yeux la princesse Ismad Ed Daoulay comme la reine de quelques contes de fées dont les personnages s'animaient sous mes yeux. On dit la crainte et l'affection incompatibles. Pourtant, l'entourage de la fille du chat semblait avoir ses sentiments pour elle. Son Altesse ne prodiguait pas sa parole et changeait de ton suivant à qui elle s'adressait. Nous venions de terminer une seconde collation où la princesse n'avait mangé que de la salade de laitue qu'elle trempait dans du vinaigre lorsque ses fillettes furent amenées auprès d'elle pour assister à un autre divertissement des basigères semblable à celui du matin. Les musiciens avaient déjà joué quelques mesures lorsque la princesse leur fit signe de s'arrêter et, se tournant tout à coup vers moi, manifesta par signe le désir de m'entendre chanter. J'accédai à sa demande. Aux premiers accents de ma voix, les femmes dispersées dans les bosquets accoururent toutes autour de moi. Mes mélodies eurent un tel succès que je fus obligée d'épuiser tout mon répertoire. Pour varier, j'essayai de me faire accompagner par un des musiciens, ce qui amusa fort la société. Mais il me fut impossible d'aller d'accord avec lui. Pourtant, il finit par saisir quelques accompagnements sur une espèce de guitare. Mes chansons plaisaient tellement qu'après chaque couplet, on me suppliait de continuer. Ayant chanté pendant plus d'une heure, je pus enfin faire comprendre à son Altesse que j'étais fatiguée. Aussitôt, elle se leva et nous nous promenâmes, suivis de toutes les femmes. J'étais surprise que les personnes, fort légèrement vêtues et chaussées seulement de mules à hauts talons, ne sentissent pas la fraîcheur. Pour moi, bien que peu frileuse, j'avais dû mettre un châle sur mes épaules. Nous passâmes du jardin de Landeroun dans celui du Biroun. Désert comme le matin, il fut bientôt rempli par la troupe joyeuse. Heureuse de pouvoir librement visiter la demeure du maître de la maison, laissée à la discrétion des invités de sa femme, elles allaient par groupe, furetant de tous côtés. Peu après, on apporta sur la terrasse du château, devant le grand alar, plusieurs samovars pour préparer le thé. Comme toujours, le Kalian ne manqua pas d'apparaître. Pendant ce temps, je visitais à mon tour le Biroun. Il serait trop long d'énumérer la quantité et l'assemblage bizarre d'objets qui s'y trouvaient. Le nombre des horloges et des pendules, surtout, était considérable. Il y en avait de tous les genres, de toutes les formes et de toutes les époques. Heureusement pour mes nerfs et mon tympan, la marche en était arrêtée, sinon le tic-tac eût été insupportable. Les appartements installés à la mode du pays étaient d'une richesse et d'un goût vraiment exquis. Parmi ces suivantes, la princesse a ses musiciennes. Dans un des salons meublés à l'européenne, une de celles-ci me donna un échantillon de son talent en tapotant avec rage sur divers pianos un air différent. Ces instruments, qui n'avaient plus été accordés depuis un temps immémorial, il ne se trouve pas souvent d'accordeur à Téhéran, étaient tout à fait faux. Malgré les efforts de l'exécutante pour en tirer des sons harmonieux et faire ressortir la beauté de la musique italienne qu'elle jouait, me disait-elle, je ne pus rien comprendre à ces sons discordants et je vis arriver avec plaisir la fin de ce pot pourri. Enfin, après m'avoir tout fait, minutieusement examiné, la fille du chat me conduisit dans son jardin réservé où l'on recommença à causer et à fumer. Accroupie sur un tapis, Son Altesse avait près d'elle un superbe coffret d'un travail artistique et enrichi de pierreries. Elle en retira un long étui contenant les accessoires nécessaires pour écrire, prit un bout de papier, y traça son nom et me le présenta, voulant sans doute me donner cet autographe comme souvenir. Chacune des 162 dames qui avaient fait partie de la première série des convives écrivit autour du nom d'Ismad Ed-Daoulé une lettre ou un mot. Ce jeu semblait fort les amuser et je l'encourageais par mes marques de satisfaction. La princesse voulut aussi me peindre la figure. Me prêtant de bonne grâce à son désir, elle prit dans le coffret où elle avait remis son écritoire ce qu'il fallait pour me maquiller. Après avoir appliqué sur mes sourcils une forte couche de surmée allant d'une tempe à l'autre en forme d'arc, elle teignit mes cils, mit du blanc et du rouge sur mes joues et passa du carmin sur mes lèvres sans oublier de me noircir légèrement le dessus de la bouche pour simuler le duvet qui, aux yeux des persans, constitue sans doute une des beautés de la femme. Puis, me coiffant à la mode du pays, elle me couvrit les cheveux d'un fichu blanc qu'elle me donna pour l'emporter au Fringuistan, Europe. Ces dames furent plus charmées que je ne le fus moi-même en voyant mon visage ainsi transformé. Elles faisaient des signes d'approbation en répétant en chœur et alternativement « Raliro, raliro, très bien ». Le moment le plus amusant de la journée fut sans contredit lorsqu'elles me virent avec une tête à la persane. Finalement, on servit du sherbet et des sucreries. Une dernière bouffée du Kalian fut aspirée et la fête se termina. Sitôt après, je vis les convives de Son Altesse qui, le matin, en ôtant la tchadra et le roubend, s'était métamorphosé de ternes chrysalides en papillons brillants, reprendre leur disgracieuse enveloppe, cacher leurs jupes soyeuses dans d'amples pantalons et se chausser de mules. Note. Chez les Persanes, la mule joue un grand rôle. Elle ne sert pas seulement de chaussure, c'est aussi l'arme défensive et offensive de la femme. De même que la fougueuse italienne, la jalouse espagnole se sert du stiletto, ainsi fait l'oriental de sa mule. La locution « être sous la pantoufle de sa femme » vient sûrement de l'Iran où elle est l'expression réelle du fait matériel. En Perse, le mari se trouve vraiment sous la pantoufle de sa compagne quand celle-ci lui administre un coup de mule pour se faire obéir, ce qui arrive lorsque son aimable moitié veut montrer qu'elle est seule maîtresse au logis. Le nom de moitié n'est peut-être pas juste dans ce pays, car la moitié conjugale y est subdivisée en de trop nombreuses fractions. La personne est fort jalouse de son autorité sur son entourage. Si ces gens, hommes ou femmes, se permettent de répondre de manière à lui déplaire, ils peuvent s'attendre à recevoir un coup de mule sur la bouche. Fin de note. À mon arrivée, la variété des groupes charmants qu'elle formait m'avait ravie. En voyant les nymphes du jardin ainsi uniformément transformées, j'aurais pu me demander si la baguette de quelque fée jalouse ne les avait pas touchées. La princesse, escortée de sa suite, nous reconduisit jusqu'au bout du jardin du Biroun. En signe d'adieu, elle me prit amicalement les mains, puis se retira. Elle avait fait atteler plusieurs carrosses. Quelques-unes de ses invitées y prirent place. D'autres montèrent à cheval, à califourchon, et toutes se dispersèrent. À mon départ, je fus escortée par l'eunuque qui, le matin, m'avait quittée à l'entrée du berceau de feuillage devant le jardin de Landeroun. Ma visite à la fille de Sa Majesté avait duré 12 heures. Je n'avais fait que me conformer aux usages du pays, bien différents de ceux de notre genre de vie dévorante. La voûte du ciel était parsemée d'étoiles et la lumière argentée de la lune éclairait Téhéran lorsque je rentrais chez moi. Fin du 47e chapitre.